L'actualité à Nancy et ailleurs. Anne Boyer-Thuisa, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur du spectacle L'Enterrement de Rose que vous allez jouer à Vrainville et Lebeuville, notamment les 12 juin et 4 juillet, un spectacle présenté par le Théâtre de Cristal. Déjà heureux de retrouver la scène, j'imagine. Ah bah oui, tout à fait. Hein. On a commencé ce week-end, on a déjà joué deux fois ce week-end à Royaumet et ça faisait plaisir évidemment de jouer. On joue en plein air, hein, donc en toute sécurité. Et puis on était bien contents et les spectateurs restaient à la fois enchanté du spectacle et je crois aussi de voir du spectacle quel qu'il soit. Quoi. Tout le monde était enchanté. Il y avait une nouvelle petite appréhension peut-être avec la reprise après plusieurs mois d'absence comme ça? Oui, la dernière fois qu'on a joué, pas ce spectacle mais un autre avec le Théâtre de Cristal, Le Ravissement d'Adèle, c'est au mois d'octobre. Et L'Enterrement de Rose, on ne l'a pas joué depuis septembre. Donc voilà, quand même une appréhension pour voir si tout repart, si les gens vont être là. Et puis c'est chouette, ça repart. Les gens attendent, je crois aussi beaucoup. Oui, c'était beaucoup dans l'attente, autant ceux qui sont sur scène que dans le public. Alors cette pièce, L'Enterrement de Rose, qu'est-ce que raconte cette pièce? Alors dire déjà que, bien que ce soit l'enterrement, c'est plutôt une pièce qui est un hymne à la vie. Mmh. Ça parle de Rose et de surtout de ses amis. C'est un petit peu un prétexte. Rose est morte et elle avait vers 90 ans. Et Rose et ses amis, ils avaient tous 20 ans dans les années 60. Alors on se remémore leurs 20 ans, à la fois les joies, les tristesses, les engagements. Voilà, donc c'est sur fond d'histoire, c'est des histoires personnelles sur fond de grande histoire. Donc ça, il y a un peu de guerre d'Algérie, l'immigration, les engagements politiques des années 60-70. Vous êtes l'auteur de cette pièce. Comment vous est venue l'idée, justement, de l'écrire? Ben, je trouve que cette génération-là, qui est plutôt la génération de mes parents et des amis de mes parents, c'est des personnes qui ont vécu des choses à travers l'histoire qui sont très, très fortes. Mmh. Alors, ce n'est pas des événements si forts que la Deuxième Guerre, par exemple, mais il y a la guerre d'Algérie qui a marqué toute une génération. Et puis, c'était une période d'immigration forte des pays du Sud, de l'Espagne, du Portugal. Voilà, donc c'était un petit peu pour témoigner de la richesse de ces gens-là qui ont des vies toutes simples, mais mêlées à la grande histoire. Donc on va retrouver sur scène Paulette, Georges, Illuminada et Isidore, c'est ça? Oui, oui. Le lien avec Rose? Alors il y en a qui sont cousins, Paulette est cousine de Rose. Illuminada, qui est une émigrée, a été beaucoup aidée quand elle est arrivée par Rose, c'était sa voisine. Il y a le cousin et puis il y a un autre homme qui faisait des choses un peu clandestines et qui venait de temps en temps se cacher chez Rose. Donc voilà, mais tous ces personnages se retrouvent sur scène, vont interagir? Oui. Il y a un petit peu d'interaction, mais c'est un peu comme une balade aussi. On va rentrer dans l'intimité des amis de Rose, donc le public est divisé en plusieurs groupes et puis il va visiter les amis de Rose dans leur intimité. Il y a des créations de décors et d'espaces intimes qu'on met pour l'instant en plein air. C'est un spectacle qui va se jouer en plein air à Vrainville et aussi à Lebeuville, avec toujours une solution de repli si toutefois il faisait moche, quoi. Bien entendu. Et donc cette pièce, vous l'aviez aussi jouée en fin d'année dernière. Comment il a été accueilli par le public? C'est plutôt toujours délicat en tant qu'auteur de dire oui. qu'on a un bon accueil, ça touche beaucoup, ça joue beaucoup sur l'émotion et le fait d'avoir des vies personnelles mêlées à l'histoire, ça plaît beaucoup. Et cette déambulation dans les intérieurs, dans l'intimité des personnes, eh ben c'est chouette. Hein. Donc chaque groupe se déplace et pas sur une trop grande distance pour garder un spectacle entier, en perte de concentration, je dirais. Et voilà, ça plaît beaucoup. La formule aussi un peu déambulatoire plaît. Dans l'écriture aussi de cette pièce, c'est des témoignages que de personnes que vous connaissiez déjà ou vous êtes allé chercher un peu dans l'histoire, dans les livres? Les deux. Au départ, j'ai l'idée, j'écris des personnages, j'écris ce qu'ils racontent, je les fais parler. Et puis après, pour confronter à la réalité, bon, c'est des thèmes d'histoire qui m'intéressent, hein, que je connais un petit peu par ailleurs. Mmh. Et là, j'ai cherché des témoins, alors des gens que je connaissais ou des gens que je connaissais pas. On m'a donné des adresses dans les Vosges d'immigrés espagnols et portugais, par exemple, qui travaillaient à l'embouteillage de Vittel. Et donc, je suis allée les rencontrer. Je les connaissais pas, ou des gens qui ont fait la guerre d'Algérie, qui m'ont raconté des choses que j'ai inclus sur des textes qui étaient déjà écrits pour donner un petit peu plus de densité, peut-être, à ces personnages. En introduction, vous l'avez dit, un hymne à la vie, cette pièce. Oui, voilà. Il faut pas avoir peur. Enfin, voilà, c'est des gens qui ont plus entre 80 et 90 ans, on va dire, et ils ont une vie riche, hein, riche en joie et puis peut-être en tristesse aussi. Mais voilà, c'est une belle vie et l'idée, c'est de mettre en valeur ces parcours de vie. Un mot sur les personnes, les acteurs qui donneront vie à ces personnages, que ce soit Paulette, Georges, Illuminada et Isidore. Oui, à toute l'équipe. Donc, bien sûr, je ne travaille pas seule. Donc, je suis appuyée fortement par le Théâtre de Cristal, hein, qui est implanté à Vannes-le-Châtel. Mmh. Et donc, une personne qui est très importante dans le projet, c'est Dominique Farcy, qui fait de la mise en scène et la direction d'acteur avec moi sur ce spectacle, qui est professionnel. Et puis, on a trois acteurs qui jouent les personnages anciens avec moi, qui sont des gens qui travaillent avec le Théâtre de Cristal aussi, dans la troupe amateur, et puis des gens ou d'autres qui ont travaillé avec moi dans les deux spectacles précédents que j'avais montés avec le Théâtre des Aperçus. C'est un petit mélange de différents groupes avec lesquels j'ai travaillé jusqu'alors. Et une mise en scène, donc là, ça se passera en extérieur, si le temps le permet, et beaucoup d'objets sur scène aussi. Alors, oui, il y a des objets qui sont dans ce que je disais avant, dans l'espace de chacun, l'intérieur de chaque ami de Rose. Donc, il y a plein de petits objets qui sont utiles pour le spectacle, et puis aussi qui nous ramènent à l'histoire des personnages et leur culture. Cette pièce, vous allez la représenter donc le 12 juin à Vrainville dans le Toulois, le 4 juillet ce sera à Lebeville dans le Saintois du côté de Charmes. Pour réserver sa place, parce que je suppose qu'il y a une jauge à respecter, comment on fait ? Oui, alors il y a une jauge de 60 à 70 personnes. Les réservations sont bien sûr obligatoires vu la situation actuelle. Donc on réserve au Théâtre de Cristal au 06 52 26 08 71. Vaut mieux réserver assez tôt parce que ça commence à remplir. Hein, comme je vous dis, c'est assez limité. Mmh. Et puis, de toute façon, on a les conditions sanitaires, on a la distanciation et on est dans des espaces ouverts. Même s'il fait mauvais temps, c'est quand même des espaces abrités et ouverts. Voilà, l'enterrement de Rose le 12 juin et le 4 juillet. Et puis, c'est le redémarrage d'autres dates à venir et d'autres spectacles, j'imagine. Oui, le Théâtre de Cristal, actuellement, commence, a repris aussi les spectacles. Il a un chouette spectacle sur Le Prest, Alain Le Prest, qui est un chanteur, compositeur, interprète, qui est mort, dont le Théâtre de Cristal a repris et fait un concert. Ça s'appelle On leur dira. Alors, il y a des dates, il y a le 12 juin aussi, à Blénaud-les-Ponts-à-Mousson. Et puis, il y a un spectacle qui va être créé, toujours avec le Théâtre de Cristal et le quatuor Stanislas, sur Prévert, qui s'appelle Je suis comme je suis, ou tentative de description d'un dîner de tête. Après, toutes les dates, c'est au mois de juin, le 8 juin à Chaligny, le 23 et 24 juin au LEM à Nancy, et le 3 juillet à la salle Michel Diné, qui est à Vannes-le-Châtel, le siège du Théâtre de Cristal. Et on invite les auditeurs à se rendre sur le site, hein, du Théâtre de Cristal, qui est tout simplement théâtredecristal.com, pour retrouver toutes les dates et toutes les informations pratiques. Et vous êtes aussi sur les réseaux sociaux, hein, Facebook notamment. Oui. Merci beaucoup, Anne Boyer-Tuza. Je vous remercie. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.